Entretien du porte-parole de l'Association d'études des droits de l'homme de Corée. Une grave violation des droits de l'homme aux États-Unis fait actuellement le scandale dans le monde. Il y a quelque temps, aux États de Minnesota et de Louisiane, les policiers blancs ont tué les noirs en plein jour et cela a provoqué des manifestations de protestation dans plusieurs régions. À l'État de Texas, des hommes armés ont tiré pour ainsi tuer et blesser des policiers lancés à la répression des manifestations. La tension monte entre les manifestants et les policiers blancs et la situation s'aggrave en conflit entre les races. Ce qui est ridicule, c'est que le président Obama a soutenu la discrimination raciale des policiers blancs en pérorant que celui qui a tiré sur les policiers est un aliéné et qu'il ne représente pas les Noirs. La réalité montre que Obama est l'auteur qui favorise plus la violation des droits de l'homme aux États-Unis. Ce pays où le gouvernement passe sous silence et favorise la discrimination raciale et autres actes inhumains est le pire violateur des droits de l'homme dans le monde. Malgré cette réalité, les États-Unis se conduisent en juge des droits de l'homme pour mettre en cause la situation dans d'autres pays et se moquer de la société internationale. L'impudence américaine se révèle plus nettement dans la campagne pour chicaner les droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée. Désemparés devant notre prestige croissant au fil des jours au niveau international, les États-Unis recourent à la menace et au chantage militaire et à la calomnie des droits de l'homme en Corée. Récemment, le département d'État US a présenté le rapport relatif à notre problème des droits de l'homme et le département de trésorerie a publié la liste des objets de sanctions spéciales basés sur le rapport susmentionné pour ainsi préjudicier à notre dignité suprême. Les États-Unis cherchent à détruire l'unité monolithique autour de la direction et renverser notre régime en lançant des calomnies contre notre direction suprême, mais c'est une chimère inutile. Plus les États-Unis calomnient les droits de l'homme dans notre pays, plus notre unité monolithique autour du dirigeant sera consolidée et plus notre peuple se raffermira dans la volonté de défendre son régime socialiste qui assure les véritables droits de l'homme. Au lieu de calomnier le problème des droits de l'homme dans d'autres pays sous prétexte de la protection, les États-Unis devront prêter l'attention à leurs problèmes. Obama, qui favorise la pire violation des droits de l'homme, est le premier accusé à faire comparaître au tribunal des droits de l'homme par la communauté internationale. Pyongyang, le 13 juillet de l'an 105 du Juche 2016.